Vous vous trouvez actuellement devant les Halles, un lieu central de la vie melloise depuis plusieurs siècles. Depuis le Moyen Âge, les Halles accueillent les marchés, les échanges commerciaux et les rencontres entre habitants. On y vendait autrefois des produits agricoles tels que du bétail, des tissus ou encore des spécialités locales. Ce lieu était essentiel à l'économie de la ville et à la vie sociale. Aujourd'hui encore, la tradition se perpétue. Le marché de Mel a lieu chaque vendredi matin. Les producteurs locaux y proposent fruits, légumes, fromages de chèvre, pain et autres spécialités régionales. C'est un moment convivial où habitants et visiteurs se retrouvent pour échanger et partager. Imaginez l'animation qui règne ici, les étals colorés, les odeurs de produits frais, les discussions animées. Les Halles restent le cœur vivant de la cité. Depuis ce centre historique, nous allons maintenant plonger dans le passé médiéval de Mel. Alors dirigez-vous vers l'église Saint-Savinien. À tout de suite.